je l'avoue, ont trouvé la faiblesse de mes genoux. Je ne peux plus me redresser, autre chose que mon précieux objet. De ton désir de plus en plus fou, trouver la porte et jouer à tout. Coactivité avant tout, trouver la force de te mettre à genoux. Même pas peur du coup. Ça n'est rien qu'un petit fou. Même pas peur. Couettes en arrière, ressources mes préliminaires. Par devant je saurai derrière, te murmurer des idées d'enfer. Mène-moi du bout de ton nez, vers de plus en plus sexy contrées. De vallées en mont dévoilé, en ressortir tout mouillé. Même pas peur du loup. Ça n'est rien qu'un petit fou. Même pas peur du loup. Ça n'est rien, rien du tout. Ce matin, cherche tes petits seins, mais en vain. Retenu par un inconnu de la nuit, je ne t'ai vu. Tu as préféré déserter mon élan de sincérité. Sexualité refoulée, tu ne veux plus être montée. Même